Je n'ai pas le droit de m'arrêter, ni de stationner à droite le long du trottoir. En effet, en immobilisant mon véhicule le long de celui-ci, la largeur de la voie restant libre ne permettrait pas aux autres véhicules de circuler sans franchir ou chevaucher la ligne continue, ce qui est interdit. De même, je ne peux pas m'arrêter contre le trottoir à gauche, car je franchirais la ligne axiale continue. Réponse B et D.